100%, tous les mardis de 18h à 19h. Présenté par Huggy Anton et Guillaume. Eh bien ça y est, c'est bientôt les vacances et forcément, eh bien on sort un petit peu ses mouchoirs car c'est la dernière émission Heart and Soul. Et ben voilà. La dernière avant 2 mois, donc ben petite vacances, ben, il faut de la demande, hein, donc cet été on vous laisse un peu tranquille, on vous lâche la grappe. On arrête les vieilles feintes pour cet été, on vous laisse tranquille. Bon, malgré tout, on va vous proposer une émission, on va essayer de la faire la plus sympathique possible, un peu comme d'habitude. Hein. Ah, toujours, dans la bonne humeur. Ce sera un mini best-of, hein, entre guillemets, on va vous donner le meilleur de nous-mêmes aujourd'hui, hein, pour vous donner envie de revenir à la rentrée encore plus nombreux et encore plus fous. Exact. Donc en plus, le soleil est de la partie, il fait très très chaud encore dans les studios. Le barbecue, tu l'as ramené ? Le barbecue est ramené, les chamallows aussi, on attend les auditeurs. Hein, après. On va aller se mettre là-bas sur le parc du Lion. Voilà, sur la petite montagne. Rendez-vous en haut de la colline. D'ailleurs, il y a un siffleur qui est pas très loin, ouais. Il va sortir zai. Il regarde déjà dans la discothèque. Il est là le matou. Donc on va essayer de faire un maximum d'invités dans l'émission. Hein. Ce sera une émission vraiment à la cool, entre potes, avec un peu tous ceux qui participent ou qui ont participé à l'émission. Donc même s'ils ne seront présents ou pas, ils ont contribué quand même avec une petite sélection. Donc en fait, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer dans l'émission. Vas-y. Il n'y a pas vraiment de classement aujourd'hui. On va passer du son tout le temps de l'émission. Il n'y aura pas de mix. Il y aura quelques sélections de nous-mêmes. Il y aura quelques sélections d'autres DJ du coin ou d'autres DJ que vous avez déjà pu entendre dans le cadre de l'émission. Il y aura un bon agenda. Je vois un abécédaire que notre ami Matt Le Matou nous a préparé avec une liste de 26 mots à placer. Oh là là. Les 26 mots vont être chauds, mais les doigts dans le nez comme d'habitude. Et le petit agenda à la fin, donc avec un peu ce qui se passera cet été, les festivals, les bonnes soirées house à ne pas rater également. Puis aussi le dernier week-end ici qui est aussi encore une fois pas mal chargé. Et un petit track rétro à la fin qui rappellera quelques souvenirs pour perpétuer le rituel Heart and Soul. Bon, on peut même prolonger jusqu'à 19h30, c'est pas un souci. S'il faut débrander un petit peu, il y a aucun malaise. Bon, première partie de l'émission, c'est de la nouveauté ou alors c'est plus des coups de cœur? On va dire la première partie, il y a quand même pas mal de nouveautés. Dans la deuxième, ce sera un peu moins. Mais je vous ai quand même fait quelques news avant l'été, parce qu'il y a quand même du lourd qui est sorti. Donc on va commencer tout de suite en beauté. Allez, on commence tout de suite. Et n'oubliez pas, appelez-nous 03 20 83 57 57 pour tous vos feedbacks, vos commentaires. Et puis vous nous appelez, on vous répond en direct, bien entendu. On commence avec de la news. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Heart and Soul. Heart and Soul. Alors on commence tout de suite avec Soul Purpose. C'est un collectif anglais qui signe ma foi de quelques bonnes plaques sur quelques bons labels digital. C'est donc le titre This Beat, donc à savoir la basse, hein, pour pas, bien sûr, pour oui. Ne pas choquer les âmes sensibles qui nous écoutent. C'est dispo sur le label digital Keisu. C'est une très très bonne sortie. En tout cas, c'est idéal pour commencer l'émission en beauté. Et encore, il y a encore 9 titres derrière, donc ça va être du lourd et on va se marrer ce soir. I got this beat, don't keep rising. got this. News de la soirée, ça commence très très bien pour la dernière émission Heart & Soul de la saison avec Soul Purpose. C'était This Beat. C'est bien ça, dispo sur le label digital K-Issue, c'est le K-Issue numéro 1. En tout cas, très très bon label à suivre et très très bons artistes aussi. Il n'y aura que ça lors de l'émission, des bons artistes, du bon son et des bonnes blagues. Les meilleures nouveautés Soulful, Garage et House sont dans Heart & Soul. On enchaîne déjà donc avec la deuxième, c'est The President of House, comme le désigne notre ami DJ Deep. C'est donc Jovan qui se retrouve au platine, donc avec Mr. President, avec le titre Inside, dispo sur un tout nouveau label également, le label Black House, Black qui s'écrit B-L-A-Q-U-E. Donc nouveau label digital qui s'annonce assez prometteur. Black music, on va dire. Bon. Elle était facile à placer celle-là. On attend d'ailleurs toujours la BCDR de Matt Le Matou parce que là on prend un peu de retard, mais vous inquiétez pas, ouais. Les 26 mots seront placés. En tout cas, très très bonne sortie de encore notre ami Jovan qui continue à être malgré tout très productif depuis le temps. Pure tuerie encore une fois, ça risque de tourner pas mal aussi pour l'été, c'est bien sympathique. Donc c'est Jovan avec Inside, disco sur label Black House. label prometteur apparemment, hein. Le label Black Music. Black House. En fait, c'est Jovan qui est au derrière les machines, hein, toujours fidèle à lui-même avec un son très old school et qui a pas changé d'ailleurs depuis les années 90, comme diraient certains. Donc c'était Jovan avec le titre Inside et dispo sur le tout nouveau label Black House. Bon, en plus house maison forcément, donc tranquille, histoire de bien dans ses pantoufles. Hein. Tout à fait. Ou alors comme toi aujourd'hui dans tes espadrilles. Ah carrément, les espadrilles en tout cas sont de circonstance. Un petit son d'accordéon qui manque un peu ma foi dans ce morceau, mais bon. En tout cas, Jovan a encore fait du bon boulot. Voilà, exactement. Il fallait le dire, il fallait le souligner. Les meilleures nouveautés Soulful, Garage et House sont dans Earth and Soul. C'est encore une valeur sûre cette fois-ci, c'est notre ami Glenn Underground, plus connu sous le nom de Glenn Crocker, qui est derrière les machines cette fois-ci avec un très très bon titre, un peu plus, on va dire, je vais pas dire hard, mais un peu plus péchu que d'habitude. En tout cas, tout en montée au fur et à mesure du morceau, faut vraiment laisser jusqu'à la fin, il dure pas longtemps en plus. Mais en tout cas, c'est un morceau digne d'un bon forgeron. Un morceau bien, bien lourd, comme il faut. Il manque un peu de xylophone, mais bon, des fois, quand tu glisses sur du yaourt, t'as pas le choix. We'll be right back. sympa et efficace en club, hein, ce titre-là. Carrément, sur du gros son. En tout cas, c'est très bien travaillé encore une fois. C'est un classique Glen Underground avec le titre Escúchame. Tout nouvelle sortie dispo sur Tracksource. C'est déjà en très très bonne place dans le top. Bah, c'est même plus dans le top 100, c'est dans le top 10 déjà. Donc c'est déjà vite placé, à la limite. C'est vite placé, à peine sorti. Comme donc, une diligence qui trace sa route. Quoi. Voilà, comme une diligence. Mais je l'ai pas, je l'ai oublié. Comme une diligence qui trace sa route, c'est le cas de le dire. On va passer tout de suite à la quatrième. Hein. La troisième ou la quatrième, c'est on est déjà à la quatrième. Ah, c'était là. Donc Glen Underground et Escúchame. Le temps passe vite. Hein. C'est comme chez les nudistes. Quoi. Les meilleures nouveautés Soulful, Garage et House sont dans Earth and Soul. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, comme si on s'était pris un coup de jokari dans la tête, mais... En tout cas, comme souvent les koalas jouent au jokari, ça tape dans le magnétoscope et boum, voilà, c'est le larsen obligatoire. Bon allez, revenons un petit peu à la musique. Revenons à nos moutons, c'est du très lourd déjà, ça s'entend au niveau de l'instru, c'est Danism et Michael Woodford, c'est avec le titre Change, remixé par notre ami Yass, qu'on salue d'ailleurs au passage et qui nous écoute, il nous l'a dit tout à l'heure, c'est dispo sur le très bon label MN2S, c'est à découvrir de suite, c'est une exclue. It's not me, it's not you, it's not me, it's not you, it's not me. gros son hein, ce soir quand même. C'est du très lourd, j'entends déjà l'harmonica jouer derrière pour nous accompagner. C'est du très lourd, aujourd'hui c'est du live. C'était donc Danism et Michael Woodford. Très très bon duo d'ailleurs, hein. Michael Woodford, sa voix est excellente avec le titre Change, et remixé par le français Yass, qu'on salue au passage, dispo sur le label en vinyle et en digital MN2S. Les meilleures nouveautés soulful, garage et house sont dans Earth and Soul. On peut dire que c'est le coup de cœur, même si pour ce soir, pour on va dire pour aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment. Ouais. En tout cas, c'est une toute nouvelle sortie fraîche qui, à mon avis, va tourner pas mal dans pas mal de clubs également. C'est donc, alors je sais pas comment ça se prononce, on va dire Siger, on va dire ça. Ouais. C'est le titre, donc c'est Monopoly, apparemment un adepte des jeux. En tout cas, bon. Qui dit Monopoly dit goûter, dit 4 quarts. Oui, c'est aussi. Remixé par l'anglais Shurikan, un habitué des bien bonnes sorties, des bien bons remix également. En tout cas, il l'a bien mis à sa sauce, celui-là, c'est le cas de le dire. Oui, je sais pas, c'est des sauces. Oui, oui, exactement. Bah, on peut mettre aussi de la sauce dans une baguette. Hein. Ouais, mais bon, là, après, on ressemble à un tonneau. Donc, avant tout ça, on va entendre le petit piano, l'espèce d'orgue de barbarie qui va monter. En tout cas, c'est une pure merveille, ce morceau. J'adore vraiment. Le vocal est tout simplement terrible. La très bonne construction. On vous laisse écouter tout de suite. On arrête de le pourrir. Prenez bien du plaisir et mettez en route votre vibromasseur. Et c'est parti tout de suite. Avicii avec un instant le petit coup de cœur de cette dernière émission avant les grandes vacances, émission Antenne Soul en direct avec vous depuis 18h avec Guy Anton bien sûr au platine et puis un nouvel arrivant qui vient d'arriver mais qu'on va interviewer juste après bien sûr. Alors, on rappelle vite fait quand même les références. Donc c'était Siger avec le titre Monopoly, un fan de jeux de société sûrement, il les emmenait tout le temps dans sa petite gibecière on allait à l'école en fin d'année parce que on sait, tout le monde sait, tous ceux qui ont été à l'école sait qu'en général à la fin d'année il n'y a plus cours, c'est, chacun ramène ses petits jeux de société. Enfin, je sais pas si c'est encore comme ça à l'heure actuelle. Oui, oui, j'imagine. Chacun ramène ses jeux de société, puis on chante une petite ritournelle. On joue à la vérité. Oui, ça c'était bien. Ça commence à toucher. tout le monde a ses souvenirs là, quoi. On ramène son petit animal domestique, son petit cochon d'Inde. Bon, faut pas devenir zoophile non plus, mais bon. Ou certains piquent les crayons des collègues, et puis. les mettent dans le cul après. Oh là là, ça part loin. Il y a des dossiers, Le CSA est à l'affût. Bon, en tout cas, c'était Cigar Monopoly, c'était donc le remix de Shuriken, excellente sortie. Et on passe tout de suite à notre petit invité, un de nos invités en tout cas. Oui, un de nos invités, ce sera juste après ça. Earth and Soul, tous les mardis de 18h à 19h. Alors, mais qui est cet invité exceptionnel? Peut-être l'un des plus grands fans de l'émission, en tout cas celui qui est à l'affût des mots. Et tout à fait, en tout cas, on peut dire que c'est un peu la troisième roue du carrosse, vu qu'en fait, il est un peu en backstage. Mais en tout cas, il est présent avec nous tous les semaines, vu qu'il nous passe régulièrement son coup de téléphone avec ses 10 mots à placer. Aujourd'hui, il nous a relevé le challenge avec un abécédaire, c'est-à-dire 26 mots à placer. On en a déjà placé quelques-uns. Ah oui, quand même pas mal, les trois quarts, on a déjà un peu glissé sur le yaourt, on surfe sur la vibe. Et puis si tu entends bien, écoute bien. Un petit clocher, c'est magnifique. En tout cas, on va laisser la parole à notre ami Matt Le Matou. Eh bien bonjour. Bonjour Matt Le Matou. Miaou. Ça fait vraiment plaisir d'être venu ici parce que depuis le temps qu'on t'a toujours au téléphone, on rigole bien et puis on va te présenter un petit peu. Donc Guy, je te laisse l'honneur de le faire. Ben déjà, vous le connaissez sous le notre guide des mots, c'est un peu notre père Foura, on peut dire ça comme ça. C'est vrai. Donc Matt Le Matou, on va le laisser se présenter lui-même d'ailleurs. Dis-nous un peu. Alors je m'appelle Matt Le Matou. Je suis amateur de jeux de mots lait pour Jean-Bête. Jeux de mots lait, Jean-Bête. En fait, je suis champion du monde de petit bac. C'est pour ça que toutes les semaines, je vous propose une liste de quelques mots pour justement vous entraîner aussi. Et puis, pour un jour, faire Motus avec mon ami Guy. Motus, on a pour projet de faire Motus à deux en fait. Vous êtes inscrit au concours et tout, non? En fait l'autre jour la sélection elle était du côté de Valenciennes et malheureusement on n'a pas pu y aller. C'était donc mais en tout cas de ces quatre, regardez Motus, vous verrez bien. Non c'est pas Motus. Si c'est Motus. Motus. Enfin, on va mettre un peu bouche cousue, ouais, j'allais dire. Voilà. En tout cas, qu'est-ce que tu écoutes souvent l'émission? Tout le temps. Je suppose. Est-ce que tu es impliqué un petit peu dans la musique électronique? C'est ça, en fait, voilà. Je voudrais savoir. Tu es DJ, animateur, clubbeur, boulanger? Oui et non. Alors, je suis un passionné de musique électronique, ça c'est certain. Grand fan devant l'éternel. House, mais vraiment aussi plein d'autres styles. D'ailleurs, je fais un peu comme vous, puisque je distille aussi du son sur une autre radio. D'ailleurs, demain, entre 15h et 17h sur RPL, on reçoit donc notre ami Huggy et tous les autres amis. Donc ça sera à partir de 15h un petit mix exclu de Tony. Si vous aimez ce qu'il fait ici, vous apprécierez aussi ce qu'il fera chez nous. Forcément, c'est dans l'émission Samar, hein, c'est ça? Voilà, la Samar Touch. Samar Touch. On salue Ju au passage aussi, qui peut sans nous écouter. Salut Ju! Voilà, mon acolyte de toujours. Et puis que dire aussi, dire que je suis un DJ, c'est un peu particulier. On va dire plutôt que je suis un selector. Ou alors un nouveau concept, je suis DJ Bollinger. C'est-à-dire que quand je mixe, je fais toujours du pain de 500, du pain de mie, du pain de son. C'est pour ça que t'as des grosses faluches. Voilà, des gros. Voilà. Et j'aime bien les grosses miches aussi. Et la baguette aussi. Voilà, et la baguette. C'est du grand n'importe quoi. C'est tout à fait moi. C'est fort, voilà. C'est fort. C'est l'émission, quoi. Vous comprenez un peu l'ambiance qui règne. Dès que les micros sont coupés, vous comprenez un peu l'ambiance qui règne dans les studios. C'est assez chaud, c'est assez grosse tête. On fait un peu les grosses têtes de Waterloo, on va dire. Ça fuse Philippe dans tous Bouvard les coins. Philippe Bouvard. enfin voilà. Bon, en tout cas, on est vraiment content de t'accueillir ici, Matt le Matou. Bah, c'est réciproque. Est-ce que tu as un MySpace ou un blog sur lequel on peut écouter ma foi tes émissions, tes mix? Alors évidemment, un MySpace, myspace.com/MattLeMatou. Donc n'hésitez pas à cliquer si vous voulez être mon ami. Surtout si vous êtes blonde à forte poitrine. Et ensuite, le blog, vous pouvez retrouver nos émissions et un petit peu l'état d'esprit des Samars. C'est le samartim.canalblog.com. Bon, et puis si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pouvez bien sûr nous contacter. On vous filera ça hors antenne sans problème. Et d'ailleurs, si vous voulez, ne serait-ce que en fin d'émission, passer à l'émission, nous dire un peu pourquoi vous écoutez l'émission, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas ou quoi que ce soit. On peut vous faire passer à l'antenne également. On pourra prendre un ou deux auditeurs si vous avez le courage et si vous avez la voix sensuelle et suave. N'hésitez pas à téléphoner. Ça peut être sympa, hein. Bah, ça peut toujours être sympa. Un grand mix de Tourcoing, Alice Russel en concert. Non, c'est un agenda. Ah, c'est pas un petit agenda. En tout cas, merci à toi, Matt. Merci à vous. On va continuer sur ta lancée pour essayer de finir l'abécédaire que tu nous as préparé avec brio encore une fois. Il n'y en a plus beaucoup, des mots, je crois. Il y en a 3, 4, 5, 6. 6. 6. C'est pas mal. Ça promet pour la fin de l'émission, en tout cas. Pas mal du tout. Et puis, on va enchaîner sur le prochain track qui nous a été choisi par qui fait aussi partie de l'émission, qui en faisait partie aussi à l'époque. C'était notre ami Timothée Milton, à qui j'ai demandé de nous faire un petit track qu'il affectionne en ce moment, qu'il a affectionné depuis le début d'année. Et il nous a choisi ce track que Guillaume va nous présenter tout de suite. Et quand on va présenter les préférences. Bon, on n'était pas. C'est parti. Mais c'est la chaleur ici. Voilà. Ça fait tellement chaud que les boutons collent dans les mains. Donc c'est normal. On entend déjà les rythmes qui font bien groover, les bonnes percussions, la rythmique bien sympathique. Ouais, puis c'est un peu de la musique où il faut sortir un petit peu le caleçon pour bien le voir. Comme c'est du Timothée Milton. C'est très olé olé. C'est à la limite du zoophile, je dirais. C'est donc Louis Radio et son ami Rafa, dont ils sont assez compères en ce moment. On ne sait pas s'ils sont ensemble, en tout cas. C'est le titre Jam Jam. C'est une exclue, c'est déjà premier sur Traxsource. Ça a été premier tout de suite. En ce moment, tout ce qu'ils sortent, c'est un peu de l'or, on va dire. C'est sur le très bon label Soulfurique, qui n'avait plus rien pressé depuis un petit moment. C'est dispo en vinyle et en digital. Ça sonne très estival. En tout cas, vous pouvez y aller, remuer. On rallume le Vibromasseur si vous l'avez. C'est reparti tout de suite. Earth and Soul. Alexis, vous êtes en plein dans l'émission Horton Soul avec une émission assez particulière ce soir vu que c'est la dernière avant les grandes vacances et la deuxième partie de cette émission. Ça représente un petit peu les morceaux favoris en fait des artistes qui ont influencé aussi un petit peu Horton Soul. Plus ou moins les artistes du coin qui sont déjà, que vous avez déjà pu entendre en interview ou autres que vous connaissez de nom ou quoi que ce soit. Je leur ai demandé un peu de faire une petite sélection. Et là c'était en tout cas un des morceaux phares dans ce moment de notre ami Timothée. Donc c'était Luis Radio et Rafa, des artistes vraiment qui ont le vent en poupe en ce moment. Le vent en poulpe si on veut suivre ou en poulpana. C'était Jam Jam, dispo sur l'excellent label Soulfuric. D'ailleurs, si vous pouvez recommander les anciens disques de Soulfuric, il y a vraiment de très bons classiques sur ce label, donc n'hésitez pas. Et on passe tout de suite à la prochaine. Earth and Soul, présenté par Guy Anton et Guillaume. Earth and Soul. On enchaîne donc avec un artiste, parce qu'en fait j'ai choisi aussi de représenter les artistes qu'on a plus ou moins découverts au travers de l'émission. On est là pour ça, on est là pour vous faire marrer. Aimer la musique. Aimer la musique, distiller du bon son et aussi vous faire découvrir de nouveaux artistes. Essayer un peu de diffuser du son qui n'est pas forcément diffusable, mais en tout cas un peu plus pointu, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est un artiste, vous avez pu entendre à mon avis quasi toutes les sorties depuis qu'il a sorti. C'est un fidèle de l'émission, on peut dire ça comme ça, il participe à l'émission. C'est donc notre ami l'allemand Gorge, avec le titre Garuna, excellent titre que je joue régulièrement et que Guillaume, je sais que diffuse de temps en temps aussi. C'est dispo sur le label A-Beat, d'ailleurs c'est un des fondateurs du label. Il a un peu pompé sur un bon vieux Paul Johnson au niveau du piano. Gimmick, exact. En tout cas, c'est bien efficace, c'est bien terrible. Et c'est Gorge avec le titre donc Garuna, que vous retrouverez le 5 septembre du côté de l'Escave. Earth and Soul. Sur Galaxy avec le fameux Garuna. C'est bien ça, excellent titre encore une fois, comme à son habitude. C'était donc dispo sur le label 8-bit, c'était dispo en vinyle et en digital aussi, parce que les Allemands sont toujours très friands de vinyle. Earth and Soul, présenté par Guy Anton et Guillaume. Earth and Soul. Donc celui qui a choisi ce titre, c'est notre ami Soumik. Il nous a sorti un bon titre à l'ancienne, sorti à l'époque sur le label Vega Records. C'était produit par un Français. Vous connaissez tous Master H sur ses prods un peu plus tech house. Et il a aussi le Master H Unit. C'est pour des prods un peu plus housey, un peu plus calme. En tout cas, signé sur le label des Master at Work, c'est quand même du lourd. C'était le titre No Ordinary Day, idéal pour ce petit temps bien ensoleillé, etc. C'est du lourd, du très lourd. On peut danser, on peut se mettre tout nu. C'est parti. C'est la fête. Sélection signée par Soumik. C'est bien ça, qu'on salue au passage notre ami du Cambrésis qui n'arrête pas de dire des bêtises. C'était donc Master H Unit, c'est sorti à peu près il y a un an et demi, deux ans je pense, si je dis pas de bêtises. C'est avec le No Ordinary Day, très très bonne sortie, dispo sur le label Vega Records, toujours des productions très classe et très groovy. Earth and Soul. and Soul. Tous les mardis de 18h à 19h. Un artiste encore découvert par, par nos soins. Grâce à toi. Bah écoute, c'est grâce à ces sorties d'abord qu'il faut le découvrir. Grâce à Internet, ensuite, grâce aux créateurs de websites, ensuite, grâce aux créateurs des machines, ensuite aussi, de tous les logiciels, grâce aux créateurs de la musique. En tout cas, c'est Lovebirds, un artiste que vous retrouvez régulièrement dans le cadre de l'émission. Une pure sortie encore une fois, c'était il y a à peu près 8 mois, je pense, c'était The Sound, dispo sur le label Free Range en vinyle et en digital. Un artiste spécialement conçu pour l'émission avec un son très deep, minimal, groovy comme on peut l'aimer. Je vous conseille toutes ses sorties ainsi que ses sets en DJ, c'est vraiment pas mal à voir. Et en tout cas, c'est toujours trouvable sur tracksource.com ou Beatport. C'est notre ami Lovebirds, www.myspace.com/lovebirds. Avec un instant une production de Lovebirds, ça s'appelle The Sound, c'est toujours dispo en maxi vinyle aussi. En maxi vinyle et en digital. Alors la pochette est toujours aussi belle. Les Free Range ça s'applique vraiment beaucoup sur les pochettes. C'est donc The Sound et l'autre face c'est The Rat, aussi un excellent track. Dispo donc sur ce très bon label anglais dont on vous a moult fois parlé. Moult. Earth and Soul tous les mardis de 18h à 19h. Et cette fois, à la sélection, c'est notre ami Happiness, qu'on salue au passage, qui nous écoute sûrement dans sa petite voiture ou dans... Cheveux au vent. Ou cheveux au vent et la croupe à l'air. Enfin, un track très glossy avec le titre Pesner. L'artiste plutôt Pesner, un artiste en... C'est d'ailleurs une des moitiés des Jacob London. Pour ceux qui connaissent, qui écoutaient leur prod à l'époque, qui ont signé sur Moult Label également. J'ai des options chez Moult en ce moment. C'est donc Brooklyn, New York, avec le titre excellent, remixé par Justin Martin. Alors, vous entendez déjà le groove, vous imaginez ça sur du gros son, je vois déjà les têtes qui remuent dans le studio. J'imagine qu'en voiture c'est pareil, on fait comme le petit chien à l'arrière du véhicule, on secoue la tête. C'est encore une fois, ça s'est pas fait exprès, dispo sur le label Free Range, dispo toujours en digital et en vinyle. Désormais ce label est signe de qualité, en tout cas on aura des actions aussi chez Free Range, je pense. Jimster nous doit des sous. C'est tout de suite et on vous retrouve juste après pour parler des festivals et de ce qui va se passer cet été. Earth and Soul. c'est bon ça. Hein. La croupanaire, ça va nickel. Nickel, nickel. C'était donc Pesner avec le titre Brooklyn New York. Excellent track choisi par notre ami Happiness, qu'on salue au passage. Dispo sur l'excellent label Free Range. Et c'est tout de suite l'agenda. Le meilleur du clubbing et l'agenda des soirées, c'est tout de suite dans Heart and Soul. Heart and Soul. Émission en particulière ce soir, on vous le rappelle avec les dernières émissions de Heart and Soul avant les grandes vacances, donc profitez-en et puis on vous balance immédiatement, en tout cas Huggy vous a fait une sélection des meilleurs festivals, des meilleures soirées qui vont se dérouler dans les prochaines semaines, donc tendez bien vos esgourdes, c'est un beau petit mot ça hein. Ah, l'esgourde, ça aurait pu être un beau petit mot, exactement. Bien vu Guillaume, un précurseur Guillaume dans les mots. La famille de Larousse. Petit Robert. Petit Robert, ouais, c'est un... J'aime c'est... Petit Robert. Petit Robert. En tout cas, donc, d'ailleurs, si vous êtes auditeur, vous nous écoutez actuellement et que vous voulez passer à l'antenne juste après l'agenda, pourquoi pas, appelez-le. Pendant l'agenda va être assez long, il y a les festivals annoncés, etc. C'est au 03 20 83 57 57. Si vous voulez ne serait-ce que dire pourquoi vous écoutez l'émission, ce que vous aimez, ce que vous souhaiteriez entendre qui n'est pas fait actuellement ou quoi que ce soit, pour la rentrée, ça peut toujours être de bonnes suggestions. Exact. N'hésitez pas. Donc c'est au 03 20 83 57 57. La charmante voix de Guillaume vous répondra au téléphone et vous fera patienter le temps d'un petit instant pour vous, pour nous communiquer votre bonne humeur et bien etc. Sûr. Donc si vous avez, on va dire les cojones, n'hésitez pas à téléphoner. Ou si vous n'en avez pas, hein, ça peut être aussi bien une demoiselle. Hein. Oui, bien sûr. Donc on commence ce jeudi avec du côté d'un nouveau club à Ostende qui ouvre, c'est le Crush Club. Il y aura une soirée un peu assez house avec le Red Day et Yamo, les Gantois bien connus qui bougent pas mal et qui ont pas mal de concepts qui marchent bien, en tout cas au niveau du son ça risque d'être bien sympathique. Vendredi 3 du côté du Canal Bot à Bruxelles, il y aura Rick Shiver et Lorenzo Tati pour un set un peu house disco etc, ça risque de bien bouger. Du côté du June, c'est une soirée Demanded avec DJ Pete et Earthbeat, donc bien sympathique aussi, c'est pas mal. Du côté du June, ça bouge toujours bien. Du côté du Rex, c'est Earthrob du label Minus qui sera en live pour la soirée Get On Get Off. Samedi 4, on revient un peu en Belgique avec du côté du Fuse, Reboot et Ben Clock pour une soirée Cadenza qui risque de vraiment bien bouger pour les amateurs de son. Du côté du Silo, une bien bonne soirée également avec Toby Newman, Marcus Fix et Chris Tiesjen pour une soirée spéciale Cocoon Label Night. Ensuite, du côté du Colors, ce sera la soirée Yes We House avec Kenny Hawks, Raoul et Massimo D'Acosta en résident. Du côté du Crush Club, toujours, c'est notre ami Prince accompagné de Yamo pour une Resident Night, on va dire. Du côté du June, c'est la classique Animal House avec bien évidemment DJ Fudge, Reverend P et Alex Finkin au clavier, donc les classiques Animal House. Ensuite, on passe, ce sera pas ce week-end, mais ce sera les dates à ne pas rater, on va dire, sur le mois de juillet, avec quelques bonnes soirées bien house, notamment l'inauguration donc du Crush Club, l'inauguration officielle, avec les copyrights du label Defected, qui seront donc accompagnés de Yamo, qui est le résident. Ce sera donc le jeudi 9 juillet, pardon. Je pars un peu loin, là. Je pars déjà à la rentrée. Ah là là. Donc, jeudi 9 juillet, c'est la semaine prochaine. En tout cas, un jeudi soir, si vous n'avez rien à faire, c'est sur la côte. S'il fait beau, n'hésitez pas. C'est donc copyright à ne pas manquer. Très très bon guest. Samedi 11, du côté du Café Capital, je pourrais pas y aller malheureusement, mais Théo Parrish sera au platine, donc un artiste de Détroit que beaucoup de gens connaissent à mon avis. Roger, t'as intérêt de faire le déplacement parce que là tu le verras pas dans le coin d'ici tôt. En tout cas aussi lundi 20, c'est les Martinez Brothers qui seront dans le coin. Si j'ai pas de bêtises, c'est à Ostende, mais je sais pas dans quel club. Je sais que c'est pour la soirée Bobard, mais alors donc c'est une connerie alors, non, c'est pas une connerie, non, j'ai cherché tout à l'heure, c'est pas du mensonge. Hein. Oh là là là là là, qu'est-ce que ça vole. Il fallait la faire celle-là, il fallait la faire. Bon, en tout cas sur Google vous allez trouver tout de voilà, suite. Voilà, même si vous. Enfin je vais chercher après vite fait. Si Matt vous va chercher pendant ce temps-là. Matt. Voilà, il n'a que ça allez, à faire. Let's go. Let's go on internet. Sinon, cet été, comme tout le monde le sait, il y a pas mal de bons festivals. Donc je vous en ai choisi 4 avec quelques line-up. Je vous donne les dates également si vous n'avez pas encore eu l'occasion de consulter les line-up sur internet. On va commencer par les 10 jours de Gand, c'est celui qui. On va commencer par Love Family Park. On va aller dans l'ordre des dates. Allez. C'est ce samedi. samedi. Donc si vous n'avez rien prévu de samedi, faut passer en Allemagne. C'est à Hanau. En tout cas, un très très bon festival avec aux platines Villa-Lobos, Luciano, Loco Dice, Am, Sven Vatt, Dixon, Henrik Schwartz, Magda, Winyomi Brothers, Marco Carola, excusez du peu. Donc déjà ça c'est du bien lourd. C'est donc ce samedi pour la Love Family Park. Je sais, beaucoup font le déplacement, il y a beaucoup de bus qui sont organisés. N'hésitez pas à vous renseigner si jamais vous prenez la dernière minute. Il doit sûrement encore rester quelques places. Ou sinon n'hésitez pas à prendre la voiture ou le train, c'est toujours peu cher. En tout cas le site c'est www.lovefamilypark.com. D'accord. Ensuite on revient en Belgique avec du côté de Gand, c'est les Ten Days Off, festival ultra connu qui fête leurs 15 ans cette année. Avec, on va signer encore un peu le line-up, notre ami Carl Craig, Marc Farina, DJ T, Jesse Rose, Jazzanova, Riton, T. Schwartz, Joris Vorn, Henrik Schwartz, Ben Klock. C'est donc du côté du Voreut à Gand. Excellent festival, encore une fois. Tomorrowland, c'est donc le 25 juillet et le 26 juillet, donc le samedi dimanche. Pas mal de boîtes représentées, pas mal de chapiteaux également. On va vous citer quelques-uns du line-up. Il y aura Martin Solveig, Stila Faye, Radio Slave, Mark Romboy, Rolando, Kevin Saunderson, Derek May, Moby, Josh Wink. Également un chapiteau d'Effected avec les copyrights présents. Donc encore une fois, un festival qui plaira à tout le monde vu qu'il y a un peu de chapiteaux pour tous les sons. C'est parfait, n'hésitez pas à faire le déplacement. Je l'ai fait l'année passée, on le refera sans doute cette année aussi. Bien. Sinon il reste les Ardentes à Liège. Par contre j'ai oublié de noter la date. On va dire que c'est pas grave. Matt le Matou, deuxième mission, les Ardentes à Liège. Mais je pense que c'est vraiment d'ici. Je pense que c'est le week-end prochain. D'accord. Le 9, 10, 11, si je dis pas de bêtises. Donc sur 4 jours, il y aura, je vous ai fait quelques noms. Il y aura c'est un festival un peu plus rock, un peu plus électro. Il y aura Agoria, Grand Master Flash, Paul Kalkbrenner, Étienne de Crécy, Joachim, DJ Mehdi. Donc il y aura un peu tous les sons représentés. C'est à Liège, c'est bien sympathique. N'hésitez pas à faire le déplacement. Et cet été, vous avez de quoi faire, à mon avis, si vous voulez clubber, en tout cas. En plus, il y a des bonnes gaufres à Liège. Hein ? C'est vrai. Il y a un petit paquet qui traîne dans les studios. Il n'y en a des pas encore ouvert. Des Gilles de Strooper. Bon, bah écoute, vacances chargées, hein. Vacances chargées. Je sais pas comment tu fais pour parler de tout ça sans avoir un bon jet de salive qui monte en toi, Guillaume, que tu avales au fur et à mesure. J'avale, ouais. Enfin, voyons, mais où part-on encore une fois? Oh non. Mais non, mais c'est vrai, moi quand je parle beaucoup, pendant 2 minutes au moins, à la fin, j'ai la bouche remplie et je ne sais plus quoi faire. Mais je vois que toi, tu te débrouilles comme un chef. Ben merci, c'est le travail. Hein. C'est le travail, oui. Bon, impeccable. Donc, si vous avez envie de retrouver un petit peu ces rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter comme d'habitude, 03 20 83 57 deux fois. On vous balancera ça tout de suite hors antenne, bien sûr, au téléphone. Sinon, une petite info, Matt le Matou, je crois que tu peux reprendre ta place en direct au micro. Mais vas-y, fais comme chez toi. Oui, on ouvre la porte, voilà. En fait, je l'ai fermé tout à l'heure parce qu'il y avait une sonnerie de téléphone de la mort. On aurait dit limite un acouphène. Donc voilà. Alors Matt, vas-y, dis-moi un petit peu. Tu nous as trouvé. Alors la soirée aura lieu non pas au stand mais à Knock au casino. Ah, c'est Knock, exact. D'accord. Donc, ouais, c'est là où les soirées bobards se font. C'est bien une soirée bobard. Voilà, une soirée bobard. Et tout le monde sera à poil. Parce que c'est le poil à mazout, Knock le zout. Parapara. Les grosses têtes, voilà. C'était donc Sim qui vient de prendre ses paroles. Non, c'est pas très cool. Sim, il est pas. Bah, il est petit. J'assume. Il était pas. Enfin, on m'a dit qu'il était décédé, non? Ah non, pas Sim. C'est Philippe Castelli qui est. Ah oui, d'accord. Non, parce Sim, que sur le coup, c'était moins marrant. Hein. Sim Non, je pense que c'est Topalov aussi. Topalov. Topalov. On va repartir dans la classe. Hein. Bon, allez. Allez. On termine en beauté? On termine en beauté. Alors, c'est qui? Bon, là, je m'en vais alors. On va terminer avec un bon petit track rétro qui va rappeler pas mal de souvenirs à tout le monde. Je crois que Mathieu Vent, parce que la semaine dernière, à savoir, c'était lui qui a joui sur le dernier track. Ah oui, oui. Et là, je crois que cette semaine, il va nous rejouer en direct. On va laisser brancher le micro, on va l'écouter. Avec l'harmonica. Et ça sonne en plus. C'est donc Matteo Matas avec le titre Body and Soul, le remix de Yann Poulet, dispo sur le label Glasgow Underground. C'était en 2001, avec un petit live d'harmonica qui ne va pas tarder. Et on peut lancer le track tout de suite. Merci Matteo Matas. Earth and Soul, tous les mardis de 18h à 19h. casque tout chaud, Guy. Ah, pareil. Il fait bien chaud dans les studios, en tout cas. Ah oui, trop chaud. Ah, bon petit souvenir, hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. C'était donc Matteo et Matos avec le titre Body and Soul, remixé par Yann Pouli. C'est dispo sur le label Glasgow Underground. C'était sorti en 2001. Excellent track, et ça y est, il a joui. Quel chaud comme la brasse, voilà. Matou, alors. Bon. Et ben voilà, on arrive à la fin de l'émission. On a un peu débordé, un peu beaucoup. Oui, pas mal d'auditeurs sur le net. Tiens, je regardais le PC. Carrément, ouais, tu peux. Zbouf. On va faire un petit coucou à pas mal de gens qui nous écoutent. On va pas dire les adresses IP non plus, hein, mais. En tout cas, j'ai vu les drapeaux, ça nous écoute de très loin. Hein. Oui, alors je vois ici, il y a 3 Allemands, il y a 3 Belges, 1 Brésilien, 1 Canadienne. Hein, une Canadienne qui, pour ceux qui aiment bien le camping. 2 Espagnols, 1 Grec. Hein. Ah, Yannikonos. Ou Nikos. Et le reste, c'est que des Français. Hein. Il y en a une petite centaine là qui nous écoutent sur le net. Et un Polonais, et puis également, je sais pas, un câble Roger. C'est pas Soumix, hein, non, par là. Bon, en tout cas, beaucoup de monde sur le net, ça fait plaisir. Et un Suédois, pardon, autant pour moi, j'avais oublié celui-là. Donc ben, y a quand même pas, on est quand même une émission polyglotte, internationale. Internationale. Et voilà, c'est peu de le dire. En tout cas, c'était encore un plaisir ce début d'année, avant cette petite trêve estivale qui va nous faire du bien à tous. Et on va revenir en pleine forme pour la rentrée avec encore repartir sur de plus belles aventures, de plus belles bien émissions. Sûr. Plein de surprises. Des blagues encore plus pourries, des invités encore plus nombreux. Donc en tout cas, merci à tous les auditeurs. Il y en a que je citerai en particulier parce que ils nous écoutent régulièrement, ils participent même à nous envoyer des mails, à nous envoyer des petits textos, des petites idées, etc. On pense à ceux à Pines, à Timothée, à Guillaume, notre ami Light Jockey de l'Escape, à Ju, à Mathieu Matou, présent dans le studio, à Luc également. Je pense aussi à nos amis citronnés, c'est-à-dire Christophe, Laure, etc. La bonne équipe, l'équipe citronnée, hein, Mathieu Chérix, etc. Qu'on salue bien au passage. Sarah aussi, Vanessa également, et entre autres aussi, je pense à Tony qui nous écoutait également. Postiga, bref, Enzo Postiga, Hawkins. Le DJ Olé Olé, Hawkins qu'on salue au passage également. Bref, un peu la Dream Team, et aussi merci aux artistes qui nous produisent autant de bons sons. Mais bon, cela, on leur fait honneur à chaque fois à diffuser leurs titres. Et si vous avez d'ailleurs, si vous êtes artiste du coin ou si vous êtes ailleurs, si vous avez des promos, etc., qui correspondent au style de l'émission, n'hésitez pas d'en faire profiter cet été. Nous en faire profiter, on vous donnera nos commentaires, etc. Pourquoi pas les diffuser à la radio si c'est vraiment bon. Alors, donc, pas de ringard, hein, je le dis tout de suite. Pas de ringard, ok. Comme ça, c'est placé, c'est dit. En tout cas, merci à tous de nous faire profiter de ce bon moment de plaisir les mardis. Et merci à toi, Guillaume, également. Ah, écoute, c'est moi qui te remercie. Fidèle à l'émission, Guy. Je vois que ça continue très très bien. Et ça marche très très bien. Je crois même c'est la meilleure émission qui fait la meilleure audimat. Au vu des statistiques que l'on voit, on est largement au-dessus. Donc ça prouve qu'on ne fait pas ça pour rien. Et d'ailleurs, croiser les personnes en boîte qui viennent me dire également que je ne connais pas, de certains que je ne connais pas, qui viennent me dire c'est toi qui m'as fait découvrir telle boîte ou tel son ou tel truc, ça me fait plaisir. En tout cas, on est là pour ça, pour vous apporter quelque chose. J'espère que c'est le cas, en tout cas, qu'on vous fait rire également. Ça y est, je vois Matt qui verse une petite larme. Je crois que j'ai en versé une aussi. En tout cas, on se retrouve le premier mardi de septembre. Je pense que c'est le premier ou le 2. Juste avant mon birthday, parce que la soirée Art & Soul le 5 septembre aura lieu. Donc avec vous vous doutez un peu des premiers noms, il y aura Gorge en invité dans ma salle. Ça c'est énorme quand même. Timothée, il y aura un peu mes potes qui seront un peu là. Ce sera vraiment dans le cadre. Vous vous doutez le son qui sera distillé ce soir-là. Et j'espère vous y voir. En tout cas, on vous fera gagner des places à la rentrée pour être encore plus nombreux et vraiment en bonne convivialité. C'est dommage qu'on ne peut pas faire l'émission en direct de là-bas, mais bon. D'ici là, il y a de l'eau à couler sous le pont, donc on verra bien. On ne sait jamais. En tout cas, on enregistrera la soirée. On fera un plaisir de diffuser les sets. Même pas forcément dans l'émission, mais Guillaume se fera un plaisir. Et donc voilà, encore une fois, mille merci à tous. Et puis on se retrouve à la rentrée. Passez de bonnes vacances, profitez bien et surtout éclatez-vous. Et je vais pas dire comme Christophe de Chavannes, sortez couvert, tout le monde le sait déjà. Mais en tout cas, profitez bien à max et on se retrouve dans 2 mois tout bronzé et peut-être tout nu s'il fera encore beau. Merci Guillaume et à la rentrée. Ciao ciao. Bonnes vacances. Earth and Soul, tous les mardis de 18h à 19h.